Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous en sommes à la leçon 44. La phrase clé est... Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Après avoir mangé sa confiserie japonaise, on boit du matcha. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Anna est arrivée au château de Himeji dans le cadre d'une visite d'études organisée par son université. Après avoir visité le château, elle expérimente la cérémonie du thé japonaise dans une maison de cérémonie du thé située tout près. Alors qu'elle est assise bien droite sur le tatami, on lui sert un gâteau traditionnel japonais. Écoutons le sketch de la leçon 44. La phrase clé est... Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Après avoir mangé sa confiserie japonaise, on boit du matcha. Wagashi wa totemo amai desu ne. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Matcha wa nigai kamoshiremasen. Sensei, 足がしびれました。いたたたた。 Laissez-moi d'abord vous expliquer le sketch. On apporte aux étudiants des gâteaux traditionnels japonais de la taille de la paume d'une main. Anna a goûté un gâteau japonais pour la première fois et dit au professeur ce qu'elle en a pensé. 和菓子はとても甘いですね。 Les confiseries japonaises sont très sucrées, n'est-ce pas? 和菓子 signifie confiserie japonaise, gâteau japonais. Si un mot contient le préfixe wa, il exprime le terme Japon. Je vois. Donc, nourriture japonaise se dit washoku, repas de style japonais. Wa est la particule qui indique le sujet ou le marqueur de sujet. Totemo est un adverbe qui signifie très. Amai signifie sucré. Des est une expression polie placée à la fin d'une phrase. On met « ne » à la fin d'une phrase lorsque l'on cherche à obtenir l'accord de notre interlocuteur. De nombreuses confiseries japonaises sont préparées en lien avec les saisons. Au printemps, il y a les gâteaux cerisiers en fleurs et à l'automne, les gâteaux feuilles d'érable. Le professeur Suzuki explique aux étudiants le déroulement de la cérémonie du thé. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Après avoir mangé sa confiserie japonaise, on boit du matcha. C'est notre phrase clé aujourd'hui. Wagashi signifie confiserie japonaise. O est une particule qui indique l'objet d'une action. Tabete est la forme en te du verbe tabemasu, manger. Kara est une particule qui signifie après. Elle précise l'ordre des actions. Une action effectuée avant kara est suivie d'une autre. Dans la leçon précédente, nous avons appris que kara exprimait une raison. Ici, kara est employé pour exprimer une série d'actions, n'est-ce pas? Oui, on utilise la forme en te des verbes devant kara. Tabete kara signifie après avoir mangé. Matcha signifie thé vert en poudre. O, la particule qui suit, indique l'objet d'une action. Nomimasu signifie boire. Lorsque l'on utilise du matcha dans le cadre d'une cérémonie du thé japonaise, on n'ajoute pas de sucre, n'est-ce pas? Non, en effet. Matcha est un thé finement broyé. On y ajoute de l'eau chaude et on fouette le liquide avec un ustensile en bambou. Ensuite, on le boit. Exerçons-nous à prononcer la phrase clé du jour. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Le professeur Suzuki poursuit. Matcha wa nigai kamoshiremasen. Le matcha peut être amer. Matcha signifie thé vert en poudre. Wa est le thème. Nigai est un adjectif qui signifie amer. Kamoshiremasen signifie peut-être. Le thé vert en poudre est certainement nigai, amer, mais les confiseries japonaises sont amai, sucrées, donc les deux saveurs se marient bien. Retournons au sketch. Anna semble avoir un problème. Sensei, ashi ga shibiremashita. Professeur, j'ai des fourmis dans les jambes. Littéralement, professeur, mes pieds sont engourdis. Anna était assise dans la position traditionnelle japonaise, les jambes croisées, si bien que ses jambes se sont engourdies. Sensei signifie professeur. Ashi, c'est jambes. Na est la particule qui indique le sujet. Shibiremashita est la forme au passé du verbe shibiremasu, s'engourdir. Anna lève le ton. Itatatata. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est itai. Anna a ressenti une douleur étrange et un engourdissement et a crié itatatata. Oui, on entend souvent les gens dire, malgré eux, itatatata lorsqu'ils ressentent de la douleur. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 44. La phrase clé aujourd'hui est Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Après avoir mangé sa confiserie japonaise, on boit du matcha. Wagashi wa totemo amai desu ne. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Matcha wa nigai kamoshiremasen. Sensei, ashi ga shibiremashita. Itatatata. Voici maintenant notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris comment exprimer une série d'événements en termes de temps, en ajoutant kara à la forme hanté des verbes. Veuillez nous l'enseigner plus en détail. Demandons à notre professeur. Dans la leçon 16, vous avez appris que l'on peut exprimer plus qu'une action dans une phrase en utilisant la forme hanté des verbes. Si l'on ajoute la particule kara après la forme hantée des verbes, on peut exprimer clairement que l'on a d'abord effectué l'action qui précède kara et par la suite l'action qui la suit. De cette façon, on peut mettre de l'emphase sur la série d'actions. Dans le sketch, il est important de d'abord manger des confiseries japonaises wagashi o tabemasu et ensuite de boire le thé vert en poudre matcha o nomimasu. Donc, on met le premier verbe à la forme en té et on lui ajoute kara. Et on dit alors Wagashi o tabete kara, matcha o nomimasu. Après avoir mangé sa confiserie japonaise, on boit du matcha. On peut aussi employer kara lorsque l'on pose une question. Supposons qu'on vous demande quand allez-vous déjeuner et que vous répondiez lorsque j'aurai fini d'étudier. Étude, c'est Benkyo. Fini se dit Owarimasu. La forme en T, c'est Owatte. Et manger, c'est Tabemasu. Donc on dit Benkyo ga owatte kara tabemasu. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Voici maintenant notre rubrique intitulée Mots descriptifs des sons. Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Jin jin. Jin jin. Y a-t-il un lien quelconque avec le sketch d'aujourd'hui? C'est ainsi que l'on décrit l'engourdissement de nos pieds? Oui, on dit cela lorsque nos mains ou nos jambes sont ankylosées ou que l'on ressent un picotement douloureux. Bili bili. Bili bili. Exprime également l'engourdissement, mais on l'emploie pour décrire une sensation causée par un choc électrique, par exemple. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons » aujourd'hui, nous vous avons parlé de « Jin Jin » et de « Bili Bili ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». C'est difficile de rester assise bien droite avec les jambes croisées. Apparemment, un bon moyen d'éviter que les pieds s'engourdissent, c'est de s'asseoir avec les gros orteils qui se touchent. J'essaierai la prochaine fois. La leçon 44 vous a plu? La phrase clé aujourd'hui était Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Après avoir mangé sa confiserie japonaise, on boit du matcha. La prochaine fois, nous vous parlerons de la fête d'anniversaire d'Anna. Ne manquez pas cette leçon.